l'agonie, chapitre 18. Tubero écarta la portière. Une fissure de jour s'allongea par l'ouverture, un chuchotement leur parvint. Alors ils prêtèrent l'oreille, écarquillèrent les yeux, dans le silence à peine rompu, pesant autour d'eux. Sur un lit très bas, aux étoffes de soie brochées d'or, le coude sur des coussins de poils de lièvre, l'enfant Alexianus regardait tristement sa mère Mamea, assise sur un escabeau d'ivoire, les mains jointes aux genoux serrées l'un à l'autre en une attitude de frénésie. À côté, la vieille Mesa, enfoncée en une cathèdre à dossier haut et la tête penchée sur le piédestal carré d'un grand vase, rêvait anxieusement. Mamea parlait. Elle suppliait Mesa, aïeul d'Elagabalus et d'Alexianus, de s'échapper du palais avec l'enfant, avec elle la mère, de dénoncer au peuple romain l'ignominie de l'empereur, qui voulait maintenant enlever à son fils son titre de César et le faire périr. Et elle lui désignait les personnages acceptant cette besogne d'empereur en délire. Un Antiocanus et un Aristomachès officier, Zoticus et Hiéroclès, avec lesquels il se prostituait, Murissimus, Gordius et Protogénès, ses très intimes familiers, plusieurs autres encore, avides à la curée que devait offrir la mort de l'enfant. Oh non, ce cher Alexianus, ce doux adolescent au calme visage, cette jeune âme vertueuse ne périrait pas. Le monde ne serait pas frappé dans cette mort qui faisait se révolter par avance la terre et le ciel. Et elle ajoutait sourdement que sa sœur Sémias, mère d'Elagabalus, se prêtait au complot. Elle qui des nuits entières courait, jamais satisfaite, les lupanards de Rome. Elle qui avait prostitué toutes les femmes et aidé à se prostituer les vierges, qui avait poussé Elagabalus à introduire le culte du soleil, non dans sa nécessité de purification et de sainteté, mais dans celui de volupté des natures inférieures. Et, bel esprit cependant, elle raisonnait sur cela, donnant une mysticité fort chaste à sa pensée, pendant qu'Alexianus la regardait toujours de plus en plus tristement. Alors Mesa essayait de disculper Sémias, sa fille comme Mamea, et Elagabalus par elle aimait autant qu'Alexianus. Et, branlant la tête, elle disait « Je verrai Attilius, je charmerai ce cœur de bronze qui n'a pas le sentiment de la femme, qui n'aime pas, qui ne sourit pas, mais que Sémias écoutera si je le persuade, lui. » Mamea sourit faiblement. « Tu t'useras à émouvoir Attilius, qui ne s'émeut jamais. Que pourras-tu sur lui ? Quoique devinant Sémias, il ne voudra rien obtenir d'elle, rien. Cet homme est aberré par son amour pour Madé et la franchit. Le monde lui est indifférent. Vois-tu, je vais, en menant Alexianus au camp, soulever l'armée et revenir sur Rome, avec lui, l'empereur futur, le successeur de l'indigne Elagabalus. » Et, se levant, frémissante, elle prit ce très triste Alexianus sur son cœur qui battait fort. Cette crise passée, elle pleura. Seule, seule ici à le protéger, à redouter Antiocanus, Zoticus, Hiéroclès, Aristomachès, Murissimus, Gordius, Protogénès, l'esclave passant dans l'ombre d'une porte, le gladiateur se promenant sous les portiques, à veiller sur les mets et les vins, à passer ces nuits noires au chevet de l'enfant, pendant que glaives et poisons s'acharnent à sa vie. Quelle existence, Dieu, Dieu, Dieu! Mésa fit. Tu es ma fille, comme l'est Sémias, et Alexianus est mon petit-fils, comme l'est Elagabalus. Je vous protégerai ensemble contre vous tous. Aïeul, mon devoir est de tous vous aimer. Mais ma mère trépignait, et caressant les longs cheveux d'Alexianus, dont les yeux intelligents brillaient d'une raideur d'enfant sauvage, elle assurait Mésa qu'Elagabalus, perdu d'esprit, souillé de corps, n'était plus digne de cette affection d'aïeul. Que la concorde avec lui et Sémias ne pouvait durer, et que besoin lui serait, à elle-même, de sauver contre la gangrène d'une branche qui atteignait au cœur le tronc vertueux de sa famille auguste. Elle ajoutait farouchement « Non, non, je ne le laisserai pas mourir, moi vivante, vois-tu » À ce moment, ma mère se heurta au meuble de bronze qui se renversa avec un grand bruit. Ma mère se redressa, frémissante. « Là, là, la chambre de Sémias, ils sont là, les victimaires de l'enfant !» Et elle désigna tragiquement l'appartement des Brundiniciens dans la chambre de Sémias, l'impératrice mère, la maîtresse de l'Empire avec Attilius, disait-on. Il crut revoir fondre esclaves et bourreaux. Et déjà Aspronas prenait un grand air résigné quand Mamea, couvrant Alexianus que Mésa emmenait, écarta résolument la portière et les aperçut. À l'aspect de ces hommes qu'elle ne connaissait point et qui n'étaient pas armés, elle se recula lentement, sans dire un mot, toujours sur elle l'œil sanglant d'Aspronas, dont elle ne pouvait deviner l'extraordinaire fixité. Il était rond comme une lune élargie, rouge sous la plaque de phare restée entière, et il la regardait, terrible et muet. Épouvantée de ce mystère, elle disparut par une porte basse à la suite de Mésa et d'Alexianus, pendant que les Brundiniciens voulaient s'en retourner. Mais des pas se rapprochaient, pareils à ceux d'une femme, peut-être de Sémias. Alors, perdant la tête, ils sortirent par l'appartement de Mamea. Une autre porte se présenta, ouverte dans un coup de vent qui les aspirait, comme venant de loin, d'une pièce pleine d'air et de lumière. Ils débusquèrent, enfin, sur un vestibule plus vaste que le premier, menant à une salle au plafond haut, une salle sablée d'or, où un millier de gens s'exclamaient.